La demeure en juillet de Anna de Noailles, enregistrée pour LibriVox.org. La demeure en juillet pendant l'après-midi. À l'ombre des volets, la chambre s'acclimate. Le silence est heureux, calme, doux, attiédi, pareil au lait qui dort dans une fraîche jatte. La pendule de bois fait un bruit lent, hardi, semblable à quelque chat qui pousse avec sa patte les instants, dont l'un chante et l'autre est assourdi. Le soleil va et vient dans l'ombre délicate. Tout est tendre, paisible, encouragé, charmant. On dirait que la joie auprès de nous habite. Pourtant, on ne sent aucun attachement. Pourquoi n'est-ce jamais dans ces instants qu'on quitte la vie avec son grand espace de tourment. Fin du poème, enregistré par Violette. Cet enregistrement fait partie du domaine public.